Section 67 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 67. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 10. Le lendemain de ce jour de retraite, il s'est réveillé de grand matin, saisi de ce silence, étonné d'être seul chez lui, comprenant pour la première fois qu'il n'était plus qu'un vieillard. Et alors avait commencé pour lui cette vie de la faim, qui de semaine en semaine s'imprégnait davantage d'un mauvais goût de mort. Il s'affaiblissait, malgré les soins, malgré le repos, replié sur lui-même, dans les calmes, soudain de cette existence de retraité, c'était maintenant qu'il sentait la lourde fatigue de ses 40 années de mère et qu'il avait conscience, mais trop tard, de son irrémédiable usure. Au bout des 5 années de cette vie douce, la destruction avait marché si vite que s'il retrouvait d'anciens amis, il était presque obligé de dire son nom pour être reconnu. Les nuits surtout l'exténuaient. Il avait jusqu'au matin des sueurs et de mauvais songes. Il semblait que sa tête se vida lentement dans ce mystérieux travail et ses évocations du sommeil. En se réveillant, il souffrait des bras et des jambes. Il était brisé, comme dans sa jeunesse, après ses grandes dépenses de force qui lui avaient fait des muscles si puissants. Mais c'était le contraire qui se passait aujourd'hui dans tout son corps. Ses membres diminuaient pendant ses transpirations de la nuit, et la charpente osseuse commençait à saillir sous la chair amollie. Toujours des scènes semblables revenaient dans ses rêves. Il se croyait à bord, sur sa couchette, manquant d'air, la nuit d'un gros temps, au fond de quelque entrepont fermé. Alors, on venait le chercher, lui rappelant qu'il était le quart, et qu'on manœuvrait là-haut. Vite, il voulait s'habiller, courir, exaspéré d'avoir manqué à son service, pris d'une anxiété affreuse, en songeant à ce qui pouvait se passer dans la mâture. Mais il ne trouvait pas ses vêtements. Il ne rencontrait aucune issue pour monter et ne se reconnaissait plus. Ou bien, s'il arrivait jusque sur ce pont et comprenait la manœuvre à faire, c'était son sifflet qui ne rendait plus aucun son, ses bras qui n'avaient plus aucune force, et il se débattait longtemps contre son inertie étrange, dans une lutte épuisante. À la fin, il se réveillait, baigné de sueur, et n'entendait plus que le bruit familier du vent d'ouest, entrant sous sa porte, ou de la pluie d'hiver tombant sur son toit. Peu à peu, il se rappelait que c'était fini à jamais, ces scènes de la mer, et que lui-même était devenu un vieillard près de finir. Et alors, c'était une autre angoisse, plus sombre que celle du rêve. Il avait bien de quoi vivre avec sa pension, sa croix, son argent placé. Toutes les menues choses de son existence étaient réglées jour par jour, avec précision, par cette habitude d'ordre que prennent à bord les vieux serviteurs. Il préparait lui-même ses repas, faisait son lit et sa chambre, lavait son linge à certains jours de la semaine dans sa petite cour de derrière. Une vieille femme du Portsic, une certaine mère Legal, qui passait chaque matin, lui faisait son marché. Il n'en manquait pourtant pas de ces retraités de la marine comme lui, que le métier avait laissé sans famille. Figure couturée de vieux aventuriers ou figure respectable de vieux braves avec des rubans rouges ou jaunes à la boutonnière. Il n'en manquait pas qui, dans recouvrance, s'en allaient carrément, le panier au bras, faire eux-mêmes leur provision de solitaire. Ça n'était pas déshonorant, bien sûr, mais cela lui répugnait, ce petit panier et ses discussions et ses marchandages. Cependant, comme tous les marins, il avait l'habitude de ces ouvrages que les gens de terre laissent aux femmes. On le voyait chez lui, grand vieillard, aux traits encore nobles, raccommoder ses vêtements, changer les boutons de ses effets du service pour en faire des costumes civils et coudre assez prestement avec ses rudes mains tatouées qui jadis avaient fait des prodiges de force. Les fleurs réussissaient bien dans son petit parterre et c'était le seul dernier plaisir qui n'avait pas trompé son attente. Les retours de navires, les tapages que les matelots font la nuit par les rues et leurs chants dans le lointain, toutes ces fêtes des jeunes auxquelles pourtant il avait cessé depuis bien des années de se mêler, étaient maintenant des espèces de rappels douloureux qu'il agitait sur son lit dans ses insomnies. Il lui arrivait de se lever et d'ouvrir sa fenêtre pour tendre l'oreille au vent de minuit qui lui apportait, par-dessus les ajoncs et les bruyères, la clameur de recouvrance. Au début, les printemps aussi le troublaient un peu, mais c'était une mélancolie encore plus vague. C'était comme la souffrance de ne pas se souvenir. Ces premières journées tièdes de mai lui faisait repenser à l'extrême Asie, le pays où il avait le plus vécu, le plus donné de sa vie aux femmes. Et pendant ces nuits de rosée, où les oiseaux chantaient, des créatures jaunes venaient le visiter quelquefois. À demi effacées, elles marchaient devant lui, dans leur tunique collante, en se balançant, comme là-bas chez elles, avec une mignardise chinoise. Elle lui envoyait des sourires de chatte moqueuse en se retournant sous leur parasol plat à mille plissures, semblable à une ombrelle de champignons. C'étaient des femmes qu'il avait connues quelque part assurément, il s'en souvenait. Mais qu'est-ce qu'elles pouvaient bien lui vouloir? Elles disparaissaient et il ne s'inquiétait pas de les suivre. Pourtant, un soir, il lui était arrivé de s'habiller précipitamment sur les 9 heures et de s'en aller à Brest, une grosse canne à la main, en marchant vite et la tête basse, comme qui va s'en faire une inoubliable visite. Et là, dans le bas de la rue Saint-Yves, il en avait revu des belles qui n'étaient pas jaunes, qui ne portaient pas de parasol, ni de jupe de crépon à chimère, brodée, mais qui disaient des choses obscènes avec un enrouement immonde. Alors, il s'en était revenu, épuisé et honteux, et à partir de cette soirée, il avait gardé à jamais la pudeur et la dignité de sa vieillesse. Les étés, il cultivait des plantes grimpantes qu'il faisait courir sur sa maisonnette basse et qui lui rappelaient les lianes. Il arrangeait devant sa porte un petit berceau qui avait un air de véranda. Et c'était une de ses joies que ces 2 ou 3 jours par an où il faisait assez chaud pour prendre l'habit de Nankin et l'éventail en feuilles de palmier, comme dans ces régions exotiques que jamais ses yeux ne devaient plus voir. À la mi-juillet, il y avait chaque année un grand pardon, au-delà du port Sic, au village de Sainte-Anne, et ce jour-là, une foule gaie passait du matin au soir comme une procession à bâtons rompus, où les matelots dominaient. Il y songeait longtemps d'avance à ce pardon qui marquait pour lui comme l'apogée de l'été. Dès le matin, en toilette, tenant son éventail et ayant apporté le perroquet dehors, il était assis devant sa porte afin de voir et d'être vu. En passant, on regardait toujours ce vieux dans son petit jardin avec ses boucles d'or aux oreilles. Il n'y avait encore rien en lui qui pût prêter à sourire. Son aspect était raide et dur. Ses yeux, qui autrefois changeaient tout cela parce qu'ils savaient être très doux, ne disaient plus rien à présent. Les paupières retombaient dessus, comme sur des lampes éteintes et désormais inutiles. Les lignes de ce visage restaient seules, encore correctes, mais rigides, exagéré par le temps, et il ressemblait à la momie tannée d'un pirate. Ensuite, le soir, quand cette journée de fête était finie, quand les derniers groupes étaient passés, lui resté seul et le silence revenu, il était pris d'une tristesse plus désespérée. Encore un été, et bientôt allait commencer l'hiver, avec les pluies, les nuits si longues et les douleurs. Encore un été évanoui, disparu avec tant d'autres, dans les abîmes qui n'ont pas de fond. Il n'avait plus du tout envie de mourir maintenant. Ah, non, il était trop vieux pour cela. Il se soignait encore davantage, se cramponnant à mains crispées au peu qu'il lui restait de vie. Et pourtant, jamais ce temps qu'il voulait retenir n'avait glissé si vite. Il semblait que les durées n'existaient plus. Les jours, les mois, les saisons s'enfuyaient, sans trêve, avec les rapidités et les silences effroyables des choses qui tombent dans le vide. Fin de la section 67, lue par Margot.